إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، nous continuons dans le récit de Maryam alayhi salat wa salam. Nous avions vu les circonstances de sa naissance, l'invocation de sa mère Hanna en sa faveur lorsqu'elle demanda qu'elle soit sous la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala, et elle dédia sa fille, elle consacra sa fille au service du temple, chose qui était réservée seulement aux garçons. Elle fut donc la première femme, la première fille, la première femme à occuper cette fonction. Puis Allah s'occupa d'elle, tabaraka wa ta'ala, la préserva, la fit grandir dans les meilleures circonstances. Fataqabbalaha rabbuha biqaboulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Et de plus, il l'a mis sous la garde de Zakariya, son prophète. Wa kaffalaha Zakariya. Elle bénéficia de plusieurs miracles, et ceci depuis son plus jeune âge, comme ceci a été rapporté dans la même sourate, sur Ali Imran. Kullama dakhala 'alayha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa. À chaque fois que Zakariya rentrait auprès d'elle dans l'endroit qui lui était consacré, il trouva auprès d'elle une subsistance, des fruits. Et il s'interrogea: d'où viennent ces fruits hors saison? Elle lui répondait: ceci vient d'Allah. Il donne sa subsistance à qui il veut, sans compter. Nous continuons dans les mérites et les bienfaits de Maryam, alayhi salam. Et Allah dit, tabaraka wa ta'ala, quelques versets plus loin: Wa idh qalat il mala'ikatu ya Maryam, inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryam, kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ah raki'in. Les versets 42 et 43 de la sourate Ali Imran. Rappelle-toi quand les anges dirent: ô Maryam, certes Allah t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Ô Maryam, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. L'imam Ibn Kathir, rahimallah tabaraka wa ta'ala, dit ici qu'Allah mentionne que les anges ont annoncé à Maryam qu'elle était élue au-dessus de toutes les femmes. Elle a été choisie, élue au-dessus de toutes les femmes de son temps, et qu'il l'a choisie pour être la mère d'un enfant qui naîtra sans père. On lui annonça aussi que cet enfant sera un noble prophète. Il parlera aux gens dans le berceau, c'est-à-dire dès son plus jeune âge, en appelant les gens à l'adoration d'Allah, tabaraka wa ta'ala, mais aussi lorsqu'il sera d'un âge avancé, ce qui prouve qu'il allait arriver à l'âge mûr et appeler à Allah, tabaraka wa ta'ala. Nous verrons cela en détail, inshallah tabaraka wa ta'ala, dans le prochain cours. Intéressons-nous à Maryam. Or qu'on lui ordonna de multiplier les adorations, de se mettre debout en prière, de se prosterner et de s'incliner devant lui, c'est-à-dire devant Allah, afin d'être digne de cette faveur et reconnaissante pour ce bienfait. On rapporte qu'elle priait au point que ses pieds se fendillaient, de par ses nombreuses adorations et ses longues positions debout devant Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah soit satisfait d'elle et lui accorde sa miséricorde, ainsi qu'à sa mère et à son père. Donc les anges dirent: ô Maryam, certes Allah t'a élu et purifié. C'est-à-dire qu'il t'a élu et il t'a purifié des actes vils, et il t'a accordé des belles manières. Il t'a élu au-dessus des femmes de ce monde. Le sens désigne sûrement les femmes de son époque, comme Allah le dit, tabaraka wa ta'ala: قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ. Ô Moussa, je t'ai choisi parmi tous les hommes. Sourate Al-A'raf, sourate numéro 7, verset 144. Ou alors, dans la sourate numéro 44, le verset 32: وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ. C'est avec discernement que nous les choisîmes parmi tous les peuples de l'univers. Donc ici, le choix sur lequel s'est porté Allah tabaraka wa ta'ala ne désigne pas forcément que ce choix est absolu, c'est-à-dire qu'Allah les a élus sur tous les gens jusqu'au jour du jugement. Mais il les a élus sur les gens de leur époque. Il les a choisis sur les gens de leur époque. Comme Allah a choisi Moussa et l'a préféré aux gens de son époque, il a de même choisi les Bani Israël à leur époque pour être la meilleure des communautés. D'ailleurs, il est connu que Ibrahim a.s. est meilleur que Moussa et que Mohammed a.s. est meilleur que d'eux. De même que cette communauté, la communauté du prophète a.s. est la meilleure de toutes les communautés, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous êtes la meilleure des communautés sorties pour les gens, vous ordonnez le bien et réprouvez le mal. En parlant de la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Il est également possible, comme le souligne Ibn Kathir, que sa parole, et il t'a élu au-dessus des femmes des mondes, ait un sens général et absolu, et que de ce fait, Maryam ait été la meilleure des femmes de tous les temps. Car on peut admettre qu'elle ait été une prophète, ainsi que Sarah, la mère de Ishaq, et la mère de Moussa, car toutes les trois, les anges leur ont parlé. Et d'ailleurs, le fait de soutenir que Maryam est une prophète est l'avis de Ibn Hazm et d'autres savants, qui ne sont pas majoritaires, qui sont minoritaires. Si on admet cela, alors rien n'empêche que Maryam soit meilleure que Sarah et la mère de Moussa, en raison du sens général du verset, et il t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Puisque rien ne s'y oppose. Wallahu a'lam. En revanche, si on suit l'avis de la majorité des savants, rapporté par Abul Hassan al-Ash'ari et d'autres d'après Ahli Sunnati wal Jama'a, selon laquelle la prophétie est spécifique aux hommes et qu'il n'y a aucune prophétesse, le plus haut degré de Maryam serait d'être une véridique, siddiqa. Comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a qualifié dans le Coran. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans la sourate numéro 5, le verset 75, Mal Masih ibn Maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa. El Masih, le fils de Maryam, n'est qu'un messager. Des messagers l'ont précédé et sa mère était une véridique. De ce fait, rien ne s'oppose à ce qu'elle soit la meilleure de toutes les femmes véridiques de son temps. Et Allah est plus savant. Donc, au regard de tout ce qu'a dit l'imam Ibn Kathir, on constate qu'il y a une divergence chez les savants. Est-ce que Maryam est la meilleure de toutes les femmes dans l'absolu? Ou alors, elle est la meilleure des femmes de son époque? C'est une première divergence. La deuxième divergence, est-elle une prophétesse ou non? En continuant, l'imam Ibn Kathir nous dit, de plus, son nom fut mentionné avec ceux de Asiya, Bint Muzahim, la femme de Pharaon, celle qui fut appelée dans le Coran Imra'atu Pharaon. Nous avions déjà cité son nom et quelques événements de sa vie dans le récit de Moussa. De même, Maryam fut citée avec Khadija Bint Khuwaylid, radiallahu anha, la première épouse du prophète, salam, et Fatima Bint Muhammad, la fille de Khadija et la fille du prophète, radiallahu anhunna, ajma'in. L'imam Ahmed, ainsi que l'imam al-Bukhari, Muslim, l'imam al-Tirmidhi, l'imam al-Nasa'i, rapportent par de nombreuses chaînes de transmission, d'après Ali ibn Abi Talib, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Khayru nisa'iha Maryam ibnatu Imran, wa khayru nisa'iha Khadija. » Les meilleures des femmes sont Maryam bint Imran et Khadija bint Khuwaylid. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari sur le numéro 3432. L'imam Ahmed rapporte également d'après Anas que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Hasbuka min nisa'il alamin Maryam bint Imran wa Khadija bint Khuwaylid wa Fatima bint Muhammad wa Asiya imra'at Fir'aun. Les quatre meilleures femmes de l'univers sont Maryam bint Imran, Asiya, l'épouse de Pharaon, Khadija, fille de Khuwaylid et Fatima, la fille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par Cheikhouna al-Albani. L'imam Ahmed rapporte aussi d'après Abu Huraira que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Khayru nisa'in rakabna al-ibil, qala ahaduhuma salihu nisa'i Quraysh, wa qala al-akhar nisa'u Quraysh, ahnahu ala yatimin fi sihari, wa ar'ahu ala zawjin fi dhati yadi. قال يقول أبو هريرة على إثر ذلك ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. Les meilleures des femmes à avoir monté les chamelles sont les femmes pieuses de Quraysh. On a dit aussi les femmes de Quraysh. Elles sont les plus affectueuses envers les jeunes enfants et celles qui préservent le mieux les biens de leur époux. Abu Huraira rajouta, et Maryam n'a jamais monté de chamelle. L'imam Ahmed rapporte d'après Abu Saïd et Al-Khudri que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Fatimatu sayyidatu nisa'i ahli al-jannah illa ma kana min Maryam bint Imran. Fatima est la maîtresse des femmes du paradis. Maîtresse dans le sens ici, la chef. C'est elle qui aura la prééminence sur toutes les femmes. Celle qui dirigera toutes les autres femmes du paradis. Fatima est la maîtresse des femmes du paradis. Sauf de Maryam bint Imran. La hadith rapportée aussi par l'imam Ahmed et authentifiée par Cheikhouna al-Albani. Dans le même sens, Ibn Mardawi rapporte d'après Qura que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kamula min ar-rijali kathirun wa lam yakmul min an-nisa'i illa thalathun Maryamu bintu Imran wa Asiyatu imra'atu Fir'aun wa Khadijatu bintu Khuwaylid wa fadlu Aishata ala an-nisa'i ka fadli al-tharidi ala sa'iri al-ta'am » De nombreux hommes ont atteint la perfection, mais uniquement trois parmi les femmes. Maryam bint Imran, Asiya, l'épouse de Pharaon, et Khadija bint Khuwaylid. Et le mérite de Aïcha sur les autres femmes est pareil au mérite du Tharid sur les autres mères. Le Tharid, c'est un repas qui était très apprécié chez les Arabes, constitué de blé, de viande et de sauce. C'est en général le plat qu'on offrait aux invités pour les honorer. Ce hadith a été rapporté par l'imam al-Tabarani et authentifié par al-Cheikhouna al-Albani dans Sahih al-Jami'. Dans le même sens, Abu Musa al-Ash'ari rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kamuna min ar-rijali kathirun wa lam yakmul min an-nisa'i illa asiyatu imra'atu fir'aun wa maryamu bintu imran » C'est une variante du hadith que j'ai cité auparavant. De nombreux hommes ont atteint la perfection, mais parmi les femmes, seule Maryam bint Imran est Asiya, l'épouse de Pharaon. Et le mérite de Aïcha sur les autres femmes est pareil au mérite du Tharid sur les autres mères. Donc dans ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari sur le numéro 3411, il n'y a mention que de Maryam et Asiya parmi les femmes qui ont atteint la perfection. Donc, l'imam Ibn Kathir, en commentaire de ce dernier hadith, nous dit que ce hadith est authentique, il a été rapporté par l'imam al-Bukhari ou al-Muslim, et sa formulation montre que seuls Maryam et Asiya ont atteint la perfection féminine. Mais il se peut que cela concerne leur époque seulement, car chacune d'elles a élevé un prophète dans son enfance. Asiya a élevé Moussa et Maryam a élevé son fils Isa, alayhi salam. Et rien n'empêche que d'autres femmes ont atteint la perfection dans cette communauté, comme Khadija et Fatima. Khadija a été au service du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avant la révélation durant 15 ans, et après la révélation durant plus de 10 ans. Elle était pour lui le plus sincère conseiller, lui offrant sa personne et ses biens. Qu'Allah l'agrée. Quant à Fatima, la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et la fille de Khadija, elle eut plus de mérite que ses sœurs car elle vécut la disparition du prophète tandis que ses sœurs sont mortes de son vivant. Quant à Aïcha, qui est mentionnée dans les deux hadiths que nous avons cités juste auparavant, elle était l'épouse préférée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il n'a jamais épousé d'autres femmes vierges qu'elle. On ne connaît pas dans cette communauté et dans les autres communautés de femmes plus érudites et savantes qu'elle. Radiallahu tabaraka wa ta'ala anha. D'ailleurs, lorsqu'elle fut victime de la diffamation des hypocrites, Allah prit sa défense et fit descendre du haut des sept cieux des versets prouvant son innocence. Allah lui-même tabaraka wa ta'ala qui s'est chargé de la disculper. Ce qui montre le mérite de cette femme. Elle vécut après la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam presque 50 ans, transmettant le Coran et la Sunna, répondant aux questions des musulmans et réconciliant ceux qui étaient en désaccord. Elle était la plus noble des mères des croyants, y compris Khadija bint Khuwayl, la mère des enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela selon certains savants passés et contemporains. Mais le plus juste est de ne pas comparer l'une à l'autre, Khadija ou Aïcha. Qu'Allah soit satisfait d'elles toutes, car l'éloge que fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de Aïcha, en disant « Le mérite de Aïcha sur les autres femmes est pareil au mérite du Tharid sur les autres mains », peut concerner aussi bien les femmes citées dans le hadith que les autres. Et il peut aussi concerner toutes les femmes en dehors de celles mentionnées dans le hadith. Et Allah est plus savant. L'essentiel ici est de mentionner ce qui concerne Maryam bint Amran, car Allah l'a purifiée et élue au-dessus des femmes de son époque, voire de tous les temps, comme nous l'avons dit plus haut. En regard de tous ces hadiths, il ne faut aucun doute que Maryam est parmi les meilleures femmes que cette terre ait pu porter, si ce n'est la meilleure d'entre elles. Certains savants la considèrent comme un prophète du fait qu'Allah lui a fait révélation par l'intermédiaire de l'ange Djibril. Mais le plus authentique est qu'elle ne fut pas un prophète mais une siddiqa, une véridique, qui est le degré juste en dessous de celui de la prophétie. Sa prééminence est due au fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a décrit dans son livre par des nobles qualités. Et il lui a donné ce qu'il n'a donné à aucune autre femme. L'Esprit Saint lui a parlé. Ruh al-Qudus wa huwa Jibril alayhi salatu wassalam, c'est Jibril. Allah l'a choisi pour être au service du temple, comme il l'a choisi pour être la mère de Isa alayhi salatu wassalam. Jibril s'est rapproché d'elle, afin de lui insuffler le souffle. Elle est déclarée comme pure dans le Coran de manière claire. Elle a cru en la parole de son Seigneur et ses livres révélés. Et Allah l'a qualifié parmi les qualités des hommes et non celles des femmes dans deux endroits du Coran, comme le souligne Ibn Abi Shayba dans son Musannaf. Lorsqu'Allah dit tabaraka wa ta'ala, Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ahu raki'in. La sourate numéro 3, le verset 43. Ô Maryam, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Allah n'a pas dit avec celles qui s'inclinent. Mais il a dit avec ceux qui s'inclinent. Ma'ar raki'in wa lam yaqul ma'ar raki'at. Deuxième verset. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al-qanitin. Sourate 66, verset 12. Elle avait déclaré véridique les paroles de son Seigneur ainsi que ses livres et elle fut parmi les dévoués. ES au masculin. Et non pas les dévoués ES. Wa kanat min al-qanitin. وَلَمْ يَقُلْ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتَاتِ. Le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a cité parmi les qualités des hommes montre sa perfection et sa prééminence sur les autres femmes. Toutes ces descriptions n'ont pas été données dans le Coran ni dans la Sunna à autre qu'elle. Alayhi salam. Nous verrons la semaine prochaine, inshallah tabaraka wa ta'ala, les circonstances de la grossesse et la naissance de Isa ibn Maryam. Wa nas'alullah jalla wa ala an yuwaffiqana jami'an lima yuhibbuhu wa yarda. Wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.